50 languages. 17. 17. 17. في البيت. في المنزل. À la maison. À la maison. هذا بيتنا. Voici notre maison. Voici notre maison. السقف في الأعلى. Le toit est en haut. Le toit est en haut. القبو في الأسفل. La cave est en bas. La cave est en bas. خلف المنزل حديقة. Il y a un jardin derrière la maison. Il y a un jardin derrière la maison. لا يمر شارع أمام المنزل. Aucune rue ne passe devant la maison. Aucune rue ne passe devant la maison. هناك أشجار بجوار المنزل. Il y a des arbres à côté de la maison. Il y a des arbres à côté de la maison. Voici mon appartement. Voici mon appartement. Voici la cuisine et la salle de bain. Voici la cuisine et la salle de bain. هناك غرفة الجلوس وغرفة النوم. Voilà la salle de séjour et la chambre à coucher. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. باب المنزل مغلق. La porte d'entrée est fermée. La porte d'entrée est fermée. لكن النوافذ مفتوحة. Mais les fenêtres sont ouvertes. Mais les fenêtres sont ouvertes. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Nous allons dans la salle de séjour. Nous allons dans la salle de séjour. هناك أريكة وكنبة. Il y a un sofa et un fauteuil. Il y a un sofa et un fauteuil. تفضل بالجلوس. Asseyez-vous. Asseyez-vous. هناك حاسوبي. Mon ordinateur est là-bas. Mon ordinateur est là-bas. هناك معداتي السمعية. Ma chaîne stéréo est là-bas. Ma chaîne stéréo est là-bas. جهاز التلفاز جديد. La télévision est toute neuve. La télévision est toute neuve.